Chapitre 24e. Jacques était arrivé depuis peu du fond de l'Algérie, où il avait passé les deux derniers mois du voyage entrepris un an auparavant. Son premier soin fut d'aller demander à M. de Garamante à son cercle. Le comte, en déplacement de chasse, était absent. Jacques attendit son retour avec impatience, car il avait hâte de revoir son vieil ami et de causer longuement avec lui. Après avoir consacré quelques jours à son installation, Henriot pensa qu'il ne pouvait se dispenser de faire une visite au Passemard. Surmontant donc la répugnance qu'il éprouvait à rentrer dans cet hôtel, le jeune homme se présenta chez eux un après-dîner, content de trouver seul le raffineur et sa femme. La première personne qu'il aperçut en entrant dans le salon fut André. La jeune femme, très surprise de cette soudaine apparition, eut le temps de se remettre un peu à la faveur des bruyantes démonstrations dont sa mère accablait le voyageur, se leva, rajusta d'un mouvement rapide une boucle de ses cheveux et s'avança vers lui en disant avec des modulations câlines, dont sa voix avait si bien pris l'habitude autrefois en lui parlant, qu'elle n'avait pas encore eu le temps de les oublier. « Bonsoir, Jacques. Vous voici donc enfin de retour. » Il se retourna et, malgré toute son assurance, la jeune femme dut baisser les yeux sous le poids du regard froidement méprisant dont il l'accabla. « Bonsoir, madame, » dit-il d'un ton parfaitement calme, qui ne trahissait ni affection ni haine. Rien que le parti pris d'une glaciale indifférence, et sans plus s'occuper d'elle, il se mit à causer de l'air le plus naturel du monde avec sa mère. « Mais cours donc prévenir ton père que Jacques est de retour !» s'écria tout à coup la pétulante Madame Passemard. « Grand vilain, va, qui depuis plus d'un an ne nous a pas donné signe de vie, qui ne nous a même pas écrit un mot au moment du mariage d'André. C'est fort heureux que le comte de Garamante nous ait appris un jour ton départ de Rome et ton voyage en Orient, car sans lui, nous n'aurions pas su du tout si tu étais encore de ce monde. À propos, et ce pauvre monsieur Mareuil, c'est donc vrai qu'on peut en mourir de ces fièvres romaines, quel malheur !» André, qui rentrait, entendit les derniers mots de sa mère. Elle vit Jacques se lever brusquement et pâlir. « Oui, » dit-il d'une voix sourde, « c'est un affreux malheur. » Alors elle détourna la tête, prise d'une épouvante soudaine à l'idée de rencontrer de nouveau son regard. « Eh, bonjour, mon cher Jacques !» cria tout à coup la grosse voix joyeuse de Passemard. « Je n'ai pas besoin de te présenter à mon gendre, n'est-ce pas ? La connaissance est déjà faite. » « Parfaitement, » dit Henriot, et sans paraître remarquer certain air un peu matamor que le vicomte avait cru devoir se donner, il serra cordialement les mains de Maxime et de son père. « Ah ça !» reprit le raffineur, « causons sérieusement une minute. Tu nous raconteras tes voyages ensuite. Te voilà donc revenu. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Me remettre immédiatement au travail. » « Bravo ! Mais tu dois en avoir terriblement perdu l'habitude, sinon le goût, depuis un an que tu te promènes. Rassurez-vous, j'ai mis le temps à profit, surtout dans les 6 derniers mois. Je rapporte de là-bas quelques petites choses et pas mal d'études qui vont me servir pour le tableau que je compte envoyer au salon prochain. Sujet classique ? Fit Morincourt avec une imperceptible nuance de dédain. Mon Dieu, oui, monsieur. Et peut-on vous demander ? Reprit André en s'enhardissant. « Sans doute, madame. Jacob chez Laban. »« Ah » fit-elle faiblement, et elle sentit monter à ses joues un peu de rougeur en se rappelant la dernière parole qu'elle avait adressée à Jacques au moment de son départ pour l'Italie. « Est-ce un reproche déguisé qu'il a voulu me faire ?» pensa la jeune femme. « Quel masque impénétrable il a rapporté de là-bas. » Jacques, en effet, n'était plus le même homme. De sa physionomie ouverte, mobile, expressive, les traits seuls n'avaient pas changé. Sa figure, où tous les sentiments se reflétaient jadis, avait pris une expression aussi immuable que la sérénité du ciel d'Égypte. Les lignes rigides de cette face pâle et amaigrie semblaient tendues par l'effort continu d'une volonté qui interdisait au visage de trahir l'âme. Il gardait quelque chose de l'impassible gravité des Orientaux, ne riait point, faisait à peine de loin en loin un geste court, et tenait ses paupières légèrement abaissées, comme pour tamiser l'éclat du foyer de vie qu'on voyait toujours rayonner dans ses yeux. Sur les tempes, ses cheveux très noirs commençaient à s'argenter. André s'en aperçut et songea qu'il n'avait pas encore 30 ans. Sur les instances répétées de Madame Passemard, il parlait maintenant de ses voyages, d'Athènes et de Constantinople, de Jérusalem, du Caire où il avait passé 2 mois, de Constantine et de l'Algérie qu'il avait visitée en dernier lieu. Jacques s'exprimait avec une aisance simple, évitant l'insupportable affectation de couleurs locales, de termes techniques et de locutions polyglottes qui gâtent si souvent les histoires de voyage. On sentait dans ses récits un enthousiasme contenu qui échauffait doucement les descriptions et les colorait sans les enluminer. Parfois, une remarque fine ou profonde prouvait que l'artiste, épris de belles lignes harmonieuses, de lumière intense, avait aussi le goût de cette observation qui ne s'arrête pas à la forme extérieure des choses et cherche à en pénétrer le sens intime. Deux ou trois fois, Morincourt l'interrompit, et pour montrer qu'il était au courant, parla de Haïk, de Kohl, de Henné, de Kafedji, de Hachiche, de Feridje, de Minaret et du Muezzin, avec l'irritante assurance des gens qui ont étudié l'Orient dans les Orientales ou le magasin turc de la rue de Rivoli. Jacques le laissait agiter son clinquant de pacotille, puis, de sa belle voix grave, dont le ton ne s'élevait ni ne s'abaissait jamais, reprenait, sans marquer mécontentement ou dédain, le fil de son discours. Il semblait que le vicomte, comme sa femme, n'existât pas pour lui, et qu'il ne s'aperçût même point de la présence de ces deux inconnus. André, quelque peu humilié de cette implacable indifférence, souffrait des efforts maladroits de Roger pour briller, et aurait voulu lui crier de se taire. « Mais laissez donc continuer Jacques !» lui dit-elle vivement, comme il venait de placer une nouvelle pauvreté à propos des cultes symboliques de l'ancienne Égypte. « Vous ne connaissez de l'Égypte que les décors d'Aïda, mon cher !» Henriot ne parut pas avoir entendu cette interpellation, qui valut à la jeune femme un regard furieux de son mari. L'heure était avancée. Il prit congé et se retira, sans qu'André eût le courage de lui demander, comme elle en avait l'intention, de venir la voir avenue de Villiers. Dès qu'il fut sorti du salon, Madame Passemart s'écria. « Eh bien, qu'en dites-vous? Est-il assez changé? Ce doit être la mort de son ami et les voyages. » « Oui, » appuya Passemart, « je ne reconnais plus mon Jacques d'autrefois. » « C'est étonnant comme il a vieilli, » fit Maxime. « Et vous, ma chère ?» interrogea Morincourt avec un peu de bravade dans le ton. « Comment le trouvez-vous ? » « Mieux qu'auparavant, » répondit-elle en le regardant bien en face. Si la vicomtesse avait voulu tout dire, elle aurait été obligée d'avouer que le retour inattendu d'Henriot l'avait profondément troublée. Elle avait constaté avec un indicible étonnement que l'homme froid, résolu, maître de soi, qui venait de reparaître tout à coup, ne gardait plus rien du grand garçon timide d'autrefois. Une métamorphose complète s'était opérée en lui, dont il ne déplaisait point à la jeune femme de s'attribuer l'honneur. André, lorsqu'elle se retrouva en présence d'Henriot, ne songea pas à en voir en lui l'homme qui avait tué Mareuil. Elle se sentit fière d'avoir inspiré une de ces rares et sauvages passions qu'on ne rencontre pas souvent dans la vie. Il lui sembla, tant elle avait le sens moral perverti, que la femme capable de se faire aimer ainsi d'une passion meurtrière s'élevait bien au-dessus de toutes les autres femmes et gardait, du forfait commis pour elle, on ne sait quelle marque de fatalité. Cette idée flattait l'instinct romanesque qu'une éducation imprévoyante avait laissé se développer en elle. Sa vanité, à qui le mariage venait d'infliger d'amères déconvenues, trouvait donc une satisfaction inavouée et malsaine dans ce qui aurait inspiré à d'autres seulement des remords. À partir de ce jour, André pensa souvent à cette amie d'enfance qu'elle ne reconnaissait plus et qui piquait sa curiosité par je ne sais quoi d'énigmatique qu'elle se plaisait maintenant à lui attribuer. Elle trouva qu'il avait rapporté de son voyage comme un reflet de la poésie du vague et profond Orient. Il n'était point jusqu'au drame de ce duel ignoré qui ne donna à Henriot un étrange prestige de mystère et de terreur. L'imagination aidant, Jacques devint rapidement, aux yeux de Madame de Morincourt, un de ces personnages qu'elle avait vu souvent passer dans les lectures ou dans les rêves de sa 16e année, marqué au front d'un sceau de grandeur tragique.